La baronne savait déjà par Lisbeth que le beau-père était pour beaucoup dans la faute de son gendre. Elle ne fut pas surprise de voir arriver sa fille. Elle l'approuva et consentit à la garder près d'elle. Adeline, en voyant que la douceur et le dévouement n'avaient jamais arrêté son Hector, pour qui son estime commençait à diminuer, trouva que sa fille avait raison de prendre une autre voie. En 20 jours, la pauvre mère venait de recevoir 2 blessures dont les souffrances surpassaient toutes ses tortures passées. Le baron avait mis Victorin et sa femme dans la gêne. Puis il était la cause, suivant Lisbeth, du dérangement de Venceslas. Il avait dépravé son gendre. La majesté de ce père de famille, maintenue pendant si longtemps par des sacrifices insensés, était dégradée. Sans regretter leur argent, les Hulots jeunes concevaient à la fois de la défiance et des inquiétudes à l'égard du baron. Ce sentiment, assez visible, affligeait profondément Adeline. Elle pressentait la dissolution de la famille. La baronne logea sa fille dans la salle à manger, qui fut promptement transformée en chambre à coucher, grâce à l'argent du maréchal, et l'antichambre devint, comme dans beaucoup de ménages, la salle à manger.